Salut, on est place de l'horloge. Tu es où? Attends, je suis place de la principale. Tu sais, je ne connais pas Avignon. C'est facile. Tu prends la rue Rouge. Tu tournes à droite, rue Rappe. Puis tu tournes à gauche, rue des Marchands. Tu vas tout droit jusqu'à la rue de la République. Là, tu tournes à droite. Et c'est tout droit jusqu'à la place de l'horloge. Là, tu traverses la place jusqu'à l'opéra. On est dans un bistrot en face. Ok, c'est facile. J'arrive.